Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. T'as assisté à une conférence pour nous, pour toi aussi j'imagine, sur la participation citoyenne et le numérique. Oui, en fait, c'est un professeur de l'Université Laval, Sel Mellouli, du département des systèmes d'information organisationnelle qui offrait cette conférence-là jeudi dernier à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et évidemment, dans le contexte où on réfléchit beaucoup au rôle des citoyens, citoyennes face à la prise de décision gouvernementale, eh bien, je trouvais que cette conférence-là arrivait à brûle pour point. Sel Mellouli, c'est un chercheur qui s'intéresse aux questions de ville intelligente depuis déjà à peu près 2010 et qui, au fil de ses regards sur la technologie, en est venu à s'intéresser de manière plus active à la manière qu'on peut exploiter, dans le fond, les interventions des citoyens et citoyennes, entre autres via les médias sociaux, via le web. Lui disait en conférence avoir eu un peu le déclic pour cette question-là lorsqu'il avait vu l'administration municipale questionner la population de Québec en pleine crise des ordures, crise des matières résiduelles, où on disait, ben OK, on va enlever le bac, on va mettre un sac, les horaires de collègues vont changer, le reste. Et à un moment donné, le maire de Québec, Régis Labeaume, était sorti sur Facebook et avait dit aux gens, ben, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Et les gens avaient répondu en masse. Et à ce point en masse que lui, comme chercheur, voyait la quantité de commentaires qui étaient émis et se demandait comment quelqu'un pouvait véritablement passer à travers l'ensemble de ces commentaires-là, aller chercher les bonnes idées, écarter les mauvaises, analyser les interventions, puisque dans bien des cas, il s'agissait de la collecte des matières résiduelles dans le centre-ville, ouais. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement au centre-ville qui réagissaient et qui commentaient. Donc, comment réussir à faire le tri et à tirer une matière qui pourrait, avec d'autres éléments, orienter, dans le fond, la prise de décision de l'administration municipale. Bon, finalement, dans le cas de ce dossier spécifiquement, ce qui était arrivé, on s'en rappelle, l'administration avait fait quelques pas en arrière, était revenu au statu quo pour éviter un peu la crise et la tempête. Et finalement, ben, on n'a pas profité de toutes ces suggestions-là pour aller chercher justement d'autres idées pour renouveler les manières de faire ou pour prendre conscience peut-être un peu plus avant de certains problèmes dans certains arrondissements. Monsieur Mellouli disait ben, que lui, pour les avoir analysés, ben, ressortait entre autres avec l'impression que pour chaque secteur, chaque quartier, ouais, avait des problématiques qui étaient différentes et que finalement, c'était un enjeu extrêmement complexe qu'on ne peut pas envisager en bloc. Mais d'une manière ou d'une autre, donc ce qui a retenu de ça, c'est la volonté des élus d'inviter les citoyens à s'exprimer, mais l'incapacité de ces mêmes élus-là, si les réponses sont massives, à optimiser, dans le fond, le potentiel, ouais, des réponses qui sont données, voire même à aller mettre la main sur ce qui en ressort. Et si on élargit un peu plus, eh bien, évidemment, il y a plein de citoyens, citoyennes qui réagissent quotidiennement sur Facebook, sur Twitter, dans des forums de discussion, qui font des blogs, etc. Ouais. Et encore là, on n'a aucune capacité à aller chercher toute cette information-là. Et ce qui fait que pour beaucoup, ben, ces commentaires-là sont exprimés essentiellement dans le vide. Donc, c'est citoyens qui débattent entre eux, mais qui débattent entre eux dans aucun objectif précis à part de réagir, de débattre, de critiquer, de commenter, ben, d'approuver. Puis souvent, sur Facebook, ben, c'est ça, on va chercher le commentaire avec lequel on est sympathique, là, tu sais. Oui, puis en fait, nous, comme citoyens, évidemment, on n'analyse pas l'ensemble des commentaires. Non. Les élus vont pas nécessairement lire tous les articles, tous les commentaires en dessous du truc Facebook de leur article, surtout qu'à un moment donné, il finit par avoir une quantité imposante d'articles, de commentaires, de médias qui s'intéressent à certaines problématiques. Donc, à un moment donné, on ne peut plus s'y retrouver non plus. Mais pourtant, dans le fond, la société va de plus en plus vers ces médiums-là. Alors, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait peut-être réussir à trouver des manières pour optimiser donc les usages qu'on peut faire de cette présence et de cette volonté qu'ont les gens, évidemment, de réagir aussi. Oui, parce qu'on parle de plus en plus d'implication citoyenne, on demande aux gens de s'impliquer, il y a des consultations, si on n'arrive pas à synthétiser tout ça, on a un problème, là. On a un problème, puis d'une certaine manière, en fait, c'est qu'aussi, inversement, ben, la soif de commentaires va finir, la source de commentaires va finir par se tarir. Dans le fond, les commentaires réellement utiles vont s'exprimer ailleurs quand, à un moment donné, dans le fond, et ça commence déjà un peu, en fait, où on sait très bien que commenter sur Facebook, par exemple, ben, ça n'a pas une grande utilité. On le fait pour nous-mêmes, on le fait pour le plaisir, on le fait pour passer le temps. Au moment où on l'écrit, ça nous fait du bien. Exactement. Mais au final, il n'y a pas tant de monde qui vont aller lire tout ça. Alors, Donc, évidemment, il y a un contexte aussi où il dit, regardez, si l'administration municipale ou l'administration provinciale ou l'administration fédérale ou n'importe quelle, au bout du compte, administration publique décide aussi d'aller solliciter la part de la population de manière formelle. Ouais. Parce qu'évidemment, ces commentaires-là sont émis de manière informelle. Et dès que formellement on dit, on est à l'écoute, commenter quelque chose, là, il y a d'autres enjeux qui sont à prendre en considération. Évidemment, il y a l'idée de démontrer à la population qu'on a entendu ce qu'il disait. Qu'on a utilisé d'une manière ou d'une autre les commentaires qui ont été apportés. Donc l'idée n'est pas de gouverner en fonction de l'opinion publique. Évidemment, on sait que ça s'en irait quand même vers un mur si on persiste dans cette voie-là, mais d'intégrer dans le fond l'opinion publique dans l'ensemble des critères aux côtés des expertises et autres pour orienter la prise de décision. Donc dans ces cas-là, faut expliquer pourquoi on a utilisé l'idée en tout ou en partie, pourquoi on a choisi d'écarter une idée qui était sommément demandée par la population. Donc si on fait de éducation dans ces cas-là, mais dans tous les cas, il faut que la population puisse avoir une rétroaction sur l'usage qui a été fait de ces commentaires. Donc, ouais. Si on demande à la population, par exemple au niveau provincial, d'aller proposer des idées pour le budget provincial, il faut expliquer ensuite qu'est-ce qu'on a reçu comme proposition, l'esprit général des propositions, dire ce qu'on a écarté et pourquoi, dire ce qu'on a intégré et pourquoi. Parce que sinon, les gens vont avoir l'impression justement que ces invitations-là sont faites pour faire des invitations, mais qu'il n'y a pas de réel suivi et il n'y a pas de réel usage non mais plus. Est-ce que comme en numérique, est-ce que ça s'évalue en termes de pourcentage? On a tenu compte de 50% des réponses. Comment ça fonctionne dans l'évaluation des consultations populaires? Est-ce qu'on arrive à évaluer, à numéroter d'un point de vue statistique tout ça? Mais de ce que j'en comprenais, on n'arrive pas nécessairement même à juste lire l'ensemble. Ben non. Parce qu'à un moment donné, c'est que ça se compte, si on met les commentaires sur des documents Word et qu'on décide de les imprimer éventuellement, ça se compte en milliers de pages dans certains cas. Cécile Mélouli a fait, lui, de la recherche un peu sur les interventions sur Twitter en développement durable. Il dit que c'est à peu près genre 6000 à 9000 tweets par jour émise en réaction avec les thématiques du développement durable. Donc, à un moment donné, c'est certain que sans outils informatiques, on ne peut pas réussir à suivre ces éléments-là. Et il disait qu'en parallèle aussi, le Canada avait un peu lâché prise sur la notion de participation citoyenne et de numérique. Il y a de ça quelques années. Il disait qu'en 2000, le Canada était un exemple. Il brillait un peu autour de ça et allait enseigner à d'autres. Et aujourd'hui, on est peut-être un peu plus dans le milieu de la classe, ou voire un peu l'arrière de la classe, comparativement à l'Estonie, qui, eux, ont carrément un système de cabinet électronique autour duquel la législation se discute, comparativement à l'Australie, qui a co-créé avec les citoyens certains pans législatifs, à l'Islande, qui a développé une constitution complètement en consultation citoyenne, en crowdsourcing, qui a été ensuite approuvée par référendum. Donc, on fait un wiki constitutionnel, tout le monde pouvait aller réagir. La Nouvelle-Zélande implique aussi beaucoup les citoyens dans leur législation. Donc ça, c'est des pays qui ont beaucoup plus été capables d'aller chercher le potentiel des technologies pour faire participer les gens, pour faire collaborer les gens et pour peut-être renforcer aussi le sentiment d'appartenance des gens envers leur administration publique. Donc ces pays-là vont initier des idées, et ce qu'ils disaient, c'est que même à la limite, si on pousse un peu, ça peut avoir un impact économique, parce que c'est des idées qui sont mises en place dans d'autres pays, les gens participent à co-créer ces idées-là, à co-créer des systèmes pour les appuyer, des systèmes pour les mesurer. On parlait de mesures tantôt, évidemment, il y a des outils qui se développent, et évidemment, nous, quand on va arriver, c'est des outils qui vont déjà exister, qui sont déjà testés. Alors, tout ce qu'on pourra faire, c'est importer des solutions qui ont été mises en place ailleurs, plutôt qu'exporter des solutions qui auront été mises en place ici, parce qu'on n'est plus en tête de file. Alors, on a un bon retard, là, si je comprends bien. On a un bon retard, selon lui. Évidemment, il s'agit, dans le fond, peut-être de commencer par justement aller rentabiliser les informations qui sont déjà disponibles. Et ça, lui estime, il travaille là-dessus depuis quelques années déjà, donc qu'il est possible de développer des systèmes qui vont aller quantifier, qui vont aller répertorier, qui vont aller analyser les thématiques qui ressortent ou l'esprit des commentaires qui ressortent au fil des discussions. Alors si, par exemple, on reprend avec l'exemple des ordures, on prend l'ensemble du fil de commentaires, on les met à l'intérieur de ce logiciel-là, de cette application-là que lui et son équipe ont mis en place. Et ensuite, bon, on en ressort avec, dans le fond, un diagramme qui nous indique, bon, OK, il y a tel pourcentage de gens qui ont parlé de telle chose, telle chose, telle chose, etc. Donc, déjà, on a quand même une idée globale de ce qui peut en ressortir. Donc, lui, ce système-là, il l'a traité, il l'a testé avec les tweets sur le développement durable, il l'a testé avec des pages Facebook, notamment du côté du Maroc, si je me trompe pas. Il a fait donc différentes expériences là-dessus pour voir justement si on est capable d'aller grappiller cette information-là et en ressortir quand même une certaine compréhension. Donc, ensuite, évidemment, il y aura d'autres préoccupations, donc d'ajouter par exemple d'autres systèmes de visualisation à ces données-là, d'ajouter une géolocalisation pour savoir, ben, en fait, les personnes qui s'expriment sur tel enjeu, à quel degré, d'un point de vue géographique, à tout le moins, sont-ils concernés par cet enjeu-là et le reste. Donc, mais il y a des outils qui peuvent, qui vont et qui émergent déjà et qui vont continuer à émerger au fur et à mesure aussi qu'on va parfaire l'intelligence langage des machines pour réussir à comprendre, à analyser les textes et à aider les élus, dans le fond, à véritablement utiliser les données qu'ils eux-mêmes génèrent quand ils font appel aux commentaires de la population. C'est pas comme les examens du ministère avec les choix de réponse puis la machine qui lisait. À l'époque, on est vraiment beaucoup plus rendu loin. Et est-ce que ça va changer quelque chose? Twitter parlait, je fais une parenthèse, mais 140 à 280 caractères. On ne sait pas. Mais en fait, c'est au bout du compte des préoccupations qui sont exprimées. Et lui donnait l'exemple, en fait, d'un tweet qui a été émis à un moment donné par quelqu'un usager de la Société des Transports de Montréal qui disait, ben, je suis à tel coin, l'autobus est en retard de 7 minutes, à TSTM, pourquoi? Et lui disait, mais si on pousse un peu, dans le fond, Twitter, c'est une plateforme qui est immédiate, qui est en temps réel. C'est là, là. Alors, ce qu'il disait, c'est qu'avec des bons algorithmes, ce qu'on pouvait faire, c'est aller connecter, dans le fond, des questions comme ça à des données ouvertes qui sont disponibles. Et lui a fait l'exercice avec son équipe de justement aller voir qu'est-ce qui se passait précisément à cette heure-là. Et finalement, on se rend compte que il y avait un accident, que cet accident-là a causé des retards, a généré du trafic sur telle artère. Donc, ce qui expliquait le fait que son autobus était en retard. Et ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, justement en utilisant des systèmes basés sur l'information ouverte, sur les données ouvertes, mais qu'on pourrait aussi programmer automatiquement des réponses qui se génèrent de manière elle-même automatique à ce type de questions-là. Encore là, parce que, dans le fond, à un moment donné, s'il y a 12 personnes qui se posent la même question en même temps, ça devient difficile de répondre dans un délai très raisonnable à l'ensemble de ces préoccupations-là. Alors que pour les gens qui émettent la question, ben, c'est un enjeu en temps réel, un enjeu immédiat, voire un enjeu potentiellement urgent de savoir qu'est-ce qui se passe et qui, eux-mêmes, sont pas nécessairement en position non plus d'aller sur leur ordinateur vérifier avec les plateformes d'accident ou qui n'ont pas nécessairement un abonnement à Waze ou à Google Drive ou autre, bon, qui vont nous donner de l'information sur le trafic en temps réel. Alors, dans le fond, d'aller bonifier des systèmes comme ça, ça va permettre aussi une interaction dans l'autre sens. Donc, de solliciter des commentaires du citoyen vers l'administration, mais aussi orienter plus rapidement des réponses à des problèmes qui sont peut-être plus urgents ou plus simples. Répondre automatiquement aussi à ces gens-là. Alors, oui, il y a des avancées qui vont se faire. Ça va être intéressant. Et sachant aussi ce qui se fait déjà, par exemple, en Estonie, on sait qu'on peut aller en loin. En Estonie, quand même. Oui, c'est le pays le plus avancé en matière de participation citoyenne numérique. Et de voir eux où ils sont rendus, ben, ça nous montre aussi que d'un côté, on a du chemin à faire, mais d'autre côté, que les possibles sont là. Ça sera notre conclusion. Les possibles sont là. Raymond, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un plaisir.